C'est quoi déjà les dimensions de ta chambre? Bah attends, Vanessa me les a envoyées par SMS. Alors, largeur 8 pieds et demi, hauteur 5 pieds. Ah oui, et ça fait combien en centimètres, ça? Bah je sais pas, c'est ses pieds, quoi. Ah, c'est vraiment ses pieds? Ah oui, ok. On la prend quand même? Oui, on va prendre quand même, oui. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Le 8-9 commence maintenant avec Sarah de Padua. Bonjour tout le monde, avec une petite nouvelle. Audrey, bonjour. Présentez-vous, on veut tout savoir. Carte d'identité. Vous avez 20 minutes. Depuis l'école, je n'ai plus fait ça, mon Dieu. Une blonde. Voilà, c'est déjà ça, aux yeux bleus. Voilà, je fais le c'est bien assez. C'est bien assez. Suffit. Et vous faites la grande évasion aussi avec les genoux à partir de 14h. Samedi, et puis le 6-8 avec vous. Vous remplacez Sarah qui est ballonnée. 8e, 9e mois. Elle n'a jamais été gonflante, elle était juste un peu gonflée. Ah, et pleine de vie surtout, et c'est pour tout bientôt, on lui envoie plein de courage et de bonnes choses. Pat Allen aussi, un remplaçant. Oui, je suis là. Avec sa grosse voix et sa guitare tout à l'heure. Pascal Michel aussi. Oui, je suis là. Moi, j'ai pas encore mué, par contre. C'était l'imitation de quelqu'un? Non, d'aucune. C'était le neveu de Tataillé. Christophe Grandjean, vous savez imiter quelqu'un, vous? Non, moi-même, ça suffit. Vous êtes le même que moi, de toute façon. Donc. Lui non plus, on ne l'imite pas, c'est Denis Collard. Regarde celui-là, comme il est bien fait. Ah oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Denis, météo avec du soleil ce week-end, mais d'abord la grisaille. Ouais, oui, en effet, tout se mérite, Sarah, tout se mérite. Et donc, ce matin, on va manger notre croûte, autrement dit notre pain noir, puisqu'on aura quand même encore pas mal de nuages. Il y aura bien quelques petites éclaircies qui vont quand même s'immiscer. Et les températures remontent lentement, mais sûrement, 10 à 15 degrés. Puis alors, on va avoir un petit arrosage la nuit prochaine, avec une zone de pluie, pas très active, mais enfin, quand même, qui va traverser notre pays. Demain matin, elle nous quitte. Demain après-midi, on peut à nouveau espérer un temps sec, 15 à 18 degrés, et puis dimanche, la meilleure journée du week-end avec de belles éclaircies et des températures de 14 à 19. Pas exclu qu'on atteigne localement les 20 degrés. Vous écoutez Vivacité, les 8h. À la une de l'actualité ce matin, des agriculteurs attendus à bord de leur tracteur ce matin à Namur. Les paysans vont manifester devant le Parlement wallon pour protester contre le CETA, le projet de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Nous refusons que les agriculteurs deviennent des ouvriers asservis aux lois des multinationales. Mais pourquoi tant de haine vis-à-vis du CETA? Cela n'a pas de sens pour Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères, nous dira pourquoi. Le gouvernement fédéral tente toujours de boucler son budget. Charles Michel appelle ses ministres à faire preuve du sens des responsabilités pour dépasser leurs dissensions. Un site internet pour améliorer son orthographe, c'est l'UCL qui l'a développé. Des dictées en ligne suivies de corrections et surtout des explications pour progresser. Michelle Obama n'en peut plus de Donald Trump. Trop, c'est trop, dit la première dame des États-Unis après les dérapages du candidat républicain à l'égard des femmes. Et puis les championnats du monde de cyclisme au Qatar, un coureur belge a encore dû être hospitalisé à cause de la chaleur étouffante. Ils ne veulent pas du CETA et viennent le dire aux députés wallons. Des agriculteurs manifestent ce matin contre le CETA, cet accord de libre-échange économique en cours de négociation avec le Canada. Des paysans avec une dizaine de tracteurs se rassembleront d'ici une demi-heure devant le Parlement wallon à Namur. Pourquoi là-bas exactement et pourquoi maintenant, Lionel de Neubourg? Eh bien parce que ce matin, les députés wallons votent, se prononcent sur le fameux CETA. Alors la FUGEA, la Fédération des éleveurs et des agriculteurs, en profite pour mettre un coup de pression. Pression qui sera d'ailleurs peut-être pas nécessaire puisque la majorité PS CDH est bien parti pour recaler le texte, alors que la plupart des États européens, ils sont prêts à signer ce fameux accord de libre-échange. Que reprochent les agriculteurs à ce fameux CETA? Qu'il soit déséquilibré plus en faveur des grosses fermes canadiennes par rapport aux petits producteurs wallons qui seraient 6 fois plus petits. C'est ce que dit Philippe Duvivier, le président de la FUGEA. Avec le CETA, on sait bien qu'on va rivaliser avec des fermes de 320 hectares en moyenne. Et en région wallonne, on a une moyenne de 56 hectares, donc il n'y a pas photo. Autre crainte, c'est l'arrivée de la viande canadienne, 80 000 tonnes de porc et 50 000 de bœuf. C'est assez peu par rapport à l'ensemble du marché européen. Oui, mais c'est suffisant pour faire chuter les prix. C'est ce que nous dit Philippe Duvivier. Eux vont venir avec des viandes qui seront moins chères. Il n'y a rien à faire. Quand on nous dit, oui, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que la simple influence de ces viandes du Canada va justement influencer le prix vers le bas chez nous. Parce que ces viandes sont 10% moins chères facilement. Du côté de la FOI, la Fédération Wallonne de l'agriculteur, on ne manifestera pas ce matin, mais on est tout aussi craintif par rapport à l'entrée en vigueur de cet accord de libre-échange. Alors, est-ce que les agriculteurs vont se faire manger tout cru, comme ils le disent, au gouvernement fédéral? On ne comprend pas pourquoi il y a tant d'opposition au projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Écoutez Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi, comme je l'ai entendu parfois dans le débat sur le CETA. Pour l'agriculture, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas libéralisé. Dans le CETA, par exemple, pour les viandes, ce qui est prévu sont des contingents. Les Canadiens pourront exporter l'équivalent en bovin, par exemple, de 0,6% du marché européen. Il y a une limite. Bien entendu. En porcin, c'est 0,3. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on essaie d'échanger, mais en sens inverse, les Européens pourront exporter beaucoup plus de produits laitiers et de fromages. Et nous exportons. Donc il faut bien se rendre compte, nous sommes un pays qui exporte 80% de sa production, son produit intérieur brut. On doit continuer à exporter. Alors, j'ai d'ailleurs vu la patronne de l'agence Wallonne à l'exportation, prenons au sein cas. De la région Wallonne, dire la même prenons chose. Prenons le cas, la région Wallonne campe sur ses positions. Qu'est-ce qui se passe? Alors je crains que ça ne conduise à un blocage, mais à un blocage qui est dramatique, pas seulement pour nos relations avec le Canada, pas seulement pour les relations avec le Québec, mais pour l'Union européenne. Parce que c'est ouvrir une nouvelle crise dans l'Union sur quelque chose qui ne le mérite pas. Parce que si on ne signe pas avec le Canada, je ne sais pas avec qui on pourra encore signer. Didier Reynders, interrogé par François de Brigode et Joanne Montet hier soir sur le plateau de Jeudi en Prime sur la Une. Manifestation des agriculteurs donc ce matin à Namur. Les premiers tracteurs sont attendus dans une demi-heure. A priori, ils ne devraient pas être très nombreux. Une dizaine de tracteurs seulement. Le traditionnel Conseil des ministres du vendredi est annulé ce matin. Charles Michel a d'autres chats à fouetter ce matin. Il rencontre ses principaux ministres en tête-à-tête pour tenter de boucler enfin le budget fédéral. C'est normalement demain que l'équipe de Charles Michel doit remettre les chiffres de son budget à l'Europe, mais il pourrait y avoir un petit délai. Le CDNV tente toujours d'imposer une taxe sur les plus-values financières, par exemple quand on revend une entreprise, mais cette proposition ne plaît pas à l'Open VLD. Il y a encore du travail pour satisfaire tout le monde, Charles Michel l'a reconnu hier à la Chambre. Il y a encore certainement quelques efforts à faire. Faire encore un pas les uns vers les autres. Le choix de ce gouvernement, c'est de continuer d'arrache-pied, dans les heures qui viennent, à tout mettre en œuvre pour conclure les tout derniers arbitrages, à faire en sorte que l'on garantisse de la stabilité. Et je veux profiter de ce moment, bien sûr, pour lancer un appel que chacun, dans les heures qui viennent, fasse preuve du sens des responsabilités. Charles Michel, hier après-midi, au perchoir de la Chambre. 8h06, vous avez peut-être une mauvaise orthographe et vous ne savez pas comment l'améliorer. Votre ordinateur va peut-être vous aider. Oui, alors on connaît, hein, Sarah, les dictionnaires en ligne sur Internet. Il y a aussi les correcteurs automatiques de l'orthographe, mais ils ne sont pas toujours très fiables. Hein. On fait parfois plus de fautes que quand on ne les utilise pas. Et puis, il y a cette nouvelle plateforme de l'UCL, elle s'appelle Ortalia, un logiciel qui propose des dictées en ligne, puis corrige et explique les fautes d'orthographe. L'accès est gratuit pour les étudiants de l'UCL, payant pour les autres étudiants et pour le grand public. Sophie Mergen nous présente cette plateforme en détail. 9 emails sur 10 comportent au moins une faute d'orthographe et pourtant à l'heure du numérique, la communication écrite est prédominante. Le logiciel Ortalia, c'est une manière innovante d'essayer de redresser la barre. Colline, étudiante en logopédie, a pu tester la plateforme. Pour qu'on fasse une dictée, je prenais mon ordinateur, je savais les faire toute seule. En fonction des erreurs qu'on fait, donc ils nous proposent la règle et du coup, on sait relire la règle et vraiment voir ce qui ne va pas. Si l'orthographe laisse à désirer, c'est aussi parce que les professeurs ont moins de temps pour l'enseigner. Laurent Hubert, professeur de français à l'Institut Saint-Joseph. Le cours de français est un cours où on travaille sur des compétences et l'orthographe et la grammaire ne sont pas des compétences en tant que telles et donc forcément on ne peut pas y consacrer autant de temps qu'auparavant. Donc c'est ça qui affecte le niveau, c'est pas spécialement le GSM qui doit être tenu responsable. Les dictées en ligne, c'est donc une manière de pallier à ce manque de temps. Le numérique ne remplace pas l'enseignant mais modifie son rôle. Yves Deville, conseiller pour une université numérique à l'UCL. L'enseignant retrouve trouve son véritable rôle d'aider l'étudiant à comprendre la matière et à l'accompagner dans cet apprentissage. 42% des employeurs ne sont pas satisfaits du niveau d'écriture des étudiants. Alors les dictées en ligne ne seront sans doute pas une révolution, mais pourquoi pas déjà une évolution. Il est 8h08. Le droit de mourir simplement parce qu'on estime que sa vie est accomplie. Les Pays-Bas envisagent d'élargir leur loi sur l'euthanasie. Les ministres de la Justice et de la Santé estiment qu'il faudrait peut-être ouvrir l'euthanasie aux personnes qui estiment simplement que leur vie n'a plus de sens sans qu'elles soient gravement malades ou dans un état d'extrême souffrance. Un tel débat pourrait-il avoir lieu chez nous ? Michel Dupuis est philosophe et professeur à l'UCL. Il est membre du comité consultatif de bioéthique qui est lié au SPF Santé. Pour lui, un tel projet de loi n'aurait rien à voir avec l'euthanasie. Une chose est de considérer que quand on a tout essayé, qu'on ne parvient pas à contrôler une douleur qui est insupportable et qui est terminale, on puisse tolérer que cette personne soit tuée par un professionnel, ça c'est l'euthanasie, soit qu'un professionnel puisse aider à son suicide, c'est le suicide assisté. Autre chose est de considérer que vous et moi, ou n'importe qui, pourrions avoir le sentiment personnel que notre vie elle est faite, qu'on est peut-être seul sur Terre, qu'on a perdu tous ses amis ou tous ses proches, et que donc finalement, il est temps de mourir. Je ne vous cache pas que ce type de représentation sur la fin de vie, elle m'inquiète beaucoup parce que elle montre comment nous pourrions d'abord être propriétaires de nos vies, je crois que c'est pas si sûr, comment nous pourrions être sûrs que notre vie est finie, qu'elle est passée, c'est pas si sûr non plus, ça a quelque chose d'un peu inquiétant. Le philosophe Michel Dupuis, interrogé par Dominique Delal. Aux États-Unis, Michelle Obama s'engage à son tour dans la campagne anti-Donald Trump. Plusieurs femmes accusent d'agression sexuelle le candidat républicain à la Maison-Blanche. On a vu aussi une vidéo où Donald Trump tient des propos orduriers envers des femmes. Ça suffit pour Michelle Obama, l'épouse de l'actuel président des États-Unis qui fait campagne pour Hillary Clinton. Michelle Obama a pris la parole hier dans l'État du New Hampshire, un discours dans le registre de l'émotion et de l'accusation. Je ne peux pas arrêter d'y penser. Cela me remue jusqu'au plus profond de mon être, comme je ne pouvais pas l'imaginer. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la politique comme on l'entend. C'est honteux, c'est intolérable. Et peu importe à quel parti vous appartenez, démocrate, républicain, indépendant, aucune femme ne mérite d'être traitée ainsi. Je sais qu'on est en campagne, mais il ne s'agit pas là de politique. Il s'agit de droits humains élémentaires et nous ne pouvons plus supporter cela. Nous ne pouvons plus exposer nos enfants à cela, ni pour une minute, ni encore moins pour les 4 prochaines années. Le temps est venu pour nous tous de nous lever et de dire « trop, c'est trop ». La première dame des États-Unis, Michelle Obama. En France, premier débat hier soir entre les candidats à la primaire de droite en vue de l'élection présidentielle du mois de mai prochain. 6 hommes et une femme en lice. Chacun a exposé simplement son programme. Il n'y a pas eu d'affrontement. S'il fallait retenir un gagnant, ce serait peut-être Alain Juppé qui a eu la chance de conclure le débat. Ça lui a peut-être permis de marquer davantage les esprits. Le 8 of Sport et le soleil qatari qui fait mal aux jeunes cyclistes belges. Les championnats du monde de cyclisme ont commencé dimanche dernier à Doha au Qatar et depuis le début, on ne parle que d'une chose, la chaleur accablante qui sévit à Doha. Le thermomètre frôle fréquemment les 40 degrés. Les coureurs belges s'accommodent difficilement de ces conditions extrêmes, Françoise Zaleski. Oui, on a même vu des images qui font un petit peu peur. Hier, Enzo Wouters a perdu connaissance après l'arrivée de la course espoir. Le jeune belge a été pris en charge à même le sol par le médecin de l'équipe belge. Il a dû être refroidi avec des glaçons avant d'être emmené à l'hôpital. Son corps avait atteint la température de 40 degrés et il souffrait de déshydratation. Il va déjà mieux, mais il ne se souvient ni du dernier tour, ni de l'arrivée de la course. Mardi, déjà, un Belge avait été emmené à l'hôpital après le contre-la-montre junior. Jasper Philipsen, qui a d'ailleurs dû déclarer forfait pour la course en ligne junior qui est prévue aujourd'hui. Du côté des pros, moins d'inquiétude quand même, puisqu'il fera un petit peu moins chaud, 34 degrés tout tout de même à Doha. Mais les pros sont habitués à ce genre de chaleur extrême. Les 9 coureurs de l'équipe belge ont d'ailleurs tous disputé le Tour du Qatar au moins une fois par le passé. Tom Boonen est même le spécialiste puisqu'il a gagné 29 fois déjà dans sa carrière au Qatar. Tom Boonen qui connaît bien les lieux mais qui a quand même reconnu le parcours hier avec ses équipiers. L'autre chef de file belge, c'est Greg Van Avermaet, notre champion olympique qui commence à montrer des signes de fatigue en cette fin de saison. Ouais, un peu, ouais. C'est normal, je pense. C'est une longue saison. J'ai fait tout le classique, tout ça. Et ouais, c'est normalement. C'est pas le vraiment bien Greg qui est ici, mais je suis prêt, je pense, pour faire une bonne course. Je suis toujours là. Et j'ai gagné pas beaucoup de courses, mais je suis toujours là dans le top 10. Et je pense être le même pour cette course. Je suis prêt, mais pas en top forme. Est-ce qu'il fait vraiment si chaud? Est-ce qu'il fait trop chaud ou pas? On a beaucoup parlé de la chaleur. Est-ce qu'il fait trop chaud? Ouais, pour le moment, c'est à la limite, je pense. À quelques degrés moins dimanche, c'est mieux, je pense. Aujourd'hui, c'était vraiment dur et c'était pas facile pour faire un bon effort comme ça dans le vélo, ça c'est sûr, mais ouais. Et Greg Van Avermaet au micro de notre envoyé spécial au Qatar, Samuel Grulois. En foot, c'est la reprise ce week-end en première division après 10 jours de trêve internationale. En ouverture de rideau, une belle affiche ce soir entre Charleroi et le club de Bruges. Les Zèbres restent sur 11 matchs sans défaite à domicile. Mais ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus battu Bruges dans leur stade. Christophe Reculé a alors demandé à l'entraîneur Carolo Felice Mazzu s'il se satisferait ce soir d'un partage. En tant qu'entraîneur, non, on essaie de jouer tous les matchs pour les gagner. Après, en fonction du déroulement du match, je pourrais dire si on a la chance de faire un match nul, si c'est bien ou si c'est pas bien, en fonction du contenu, en fonction de l'équipe qui a été plus conquérante que l'autre. Si maintenant on a un match très difficile et qu'on subit constamment et qu'on ressort avec un match nul, mais je vous dirais que c'est bien. Si maintenant on domine et qu'on a toutes les situations pour pouvoir gagner ce match et qu'on s'en sort avec un match nul, je vous dirais que c'est pas bien. Charleroi-Bruges à 20h30 ce soir en direct sur Vivacité. Enfin, en tennis, nouveau défi de taille pour David Goffin à Shanghai. Hier, le Belge s'est qualifié pour les quarts de finale en battant le Français Gaël Monfils pour la première fois de sa carrière. Et ce midi, Goffin devra une nouvelle fois essayer de se dépasser s'il veut enfin venir à bout de l'Écossais Andy Murray, deuxième joueur mondial. Et puis ce 14 octobre, sorti événement, la traduction en français du 8e tome d'Harry Potter. Harry Potter, l'enfant maudit. On est 19 ans plus tard. Harry Potter est papa de 3 enfants. Il a un petit problème avec son dernier. C'est Albus qui est un petit peu en confrontation avec lui. Et puis surtout, il va pactiser avec l'ennemi, avec la famille Malfoy. En fait, c'est pas un roman. Hein. C'est le texte de la pièce de théâtre qui se joue en ce moment à Londres. Et pour nous en parler tout à l'heure, aux alentours de 8h40, nous recevrons la présidente de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet. On va se plonger donc dans l'univers Harry Potter. Qui a vu autour de la table la saga, les 7 premiers volets? Je vois vos yeux un petit peu grands ouverts. Tous. Tous, ah ouais. Donc un grand fan alors. C'est marrant que c'est Edwige qui vient. C'est exactement, oui. C'est dans sa peau. Vous voyez, ce sera notre invité tout à l'heure. 8h15, Cactus. Le Cactus, le budget n'est toujours pas bouclé. Hier, alors que Charles Michel répondait à la tribune, Bart de Wever lisait son journal à la cafétéria. Mais parfaitement, Sarah, Bart de Wever est avec tous. Monsieur de Wever, vous admettrez que cette attitude est un peu désinvolte, hein? Mais je vois pas où est le problème, hein. Je n'en ai tout de même pas écouté un discours que j'avais moi-même écrit, hein. En plus, il me remercie même pas, ce Michel. On fait tout le travail pour lui, c'est lui qui en profite, hein. Wallon. Non, monsieur de Wever, lire le journal, c'est un peu provocant quand le Premier ministre... C'est intéressant, les journaux, vous savez. Ah bon? Par exemple, regardez, ici, pour savoir où est Peter de Crème. Oui. Il faut le suivre, hein, oui, celui-là. C'est sûr, oui. Quelle sauterelle, hein. Il va piquer des idées partout et dès qu'il s'est nourri, il s'en va et il reste plus rien. Monsieur Michel, où en est-on, là? Le budget, monsieur Michel, le budget. J'ai reçu une excellente nouvelle. Un travailleur sur 7 vivrait sous le seuil de pauvreté. Ah, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, vous? Oui, cela signifie qu'il y a encore 6 sur 7 à qui on peut soutirer de l'argent. Mais j'ai d'autres idées pour ramener du pognon. J'ai entendu dire qu'Harrison Ford, après sa fracture de la jambe sur le dernier Star Wars, avait touché 2 millions d'euros des assurances. Oui. Alors, je propose donc de faire engager le gouvernement sur le prochain tournage. Ah bon, et pourquoi ça?

Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels, à Zaventem et Waterloo. Hip hip hip, c'est moi! Vous allez être émerveillés par les offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Jusqu'à demain, à l'achat d'un persil lessive liquide 36 doses au choix, recevez, bam, le deuxième gratuit! C'est du jamais vu! Dépêchez-vous d'en profiter avant qu'il n'y en ait plus! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, ouais, je suis curieuse. Allez, vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon, ouais. Hein, et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Citoyenne, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais une nouvelle fourgonnette performante et fiable, mais j'en ai besoin tout de suite. Ah, certainement. Parce que je suis jardinier, vous voyez, je dois terminer un chantier de toute urgence. Ah, mais pas de problème. Alors, écoutez, je vous sème 50 mètres carrés de gazon. Monsieur. Et puis je viens pondre chaque semaine. Écoutez, c'est gentil, mais. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Votre soin visage. Prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer. Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Testez-le vite, Yves Rocher. Le 8-9. Et c'est un bon cru le vendredi avec Pat Allen qui remplace Jean-Luc Font. Pat Allen, vous avez dû placer 4 mots dans une chanson comme tous les vendredis. On avait vœux, Karine a proposé attiédissement. Oh, on a Laura majestueux et Olivier a proposé jackpot. Attiédissement, merci pour. C'est pas facile, il va falloir bien articuler oui, dans la chanson. Attiédissement. Le titre de votre œuvre Vive l'Euromillion. C'est vous alors. Généreux, généreux l'homme, hein, vous avez entendu. Oui. Il veut faire du bien aux autres. En même temps, avec 168 millions d'euros, il y a de quoi faire du bien, évidemment. Une petite nouvelle dans l'équipe du 8-9 aussi, c'est Audrey qui remplace Sarah. Salut Audrey. Bonjour tout le monde. Tour du monde en Wallonie. Oui, on va faire escale. Enfin, oui, tour du monde en Wallonie, mais oui. C'est sympa aussi, il y a des choses à découvrir. On va faire escale dans 3 villages et on va aller à la rencontre justement des artisans en Wallonie. Avec chaque fois des bons trucs et astuces, ce sera juste avant 9h. Le Zap Télé à 8h25 avec Pascal Michel. Pascal, décidément, nos séries belges cartonnent. Oui, vous le savez, vous avez eu l'occasion de découvrir des séries 100% belges il y a quelques mois sur la RTBF. Alors on savait déjà que La Trêve avait été rachetée par France 2, ça a été diffusé dans le courant du mois de septembre. Et ben, figurez-vous que l'autre série Ennemi Public avec Stéphanie Blanchou, vient d'être rachetée par TF1 cette fois-ci. Oh, wow. Donc c'est TF1, la grosse maison TF1, qui a racheté les droits pour Ennemi Public. On aura l'occasion de revoir cette série inspirée légèrement de l'affaire Dutroux, on se souvient, avec Michel Martin dans un couvent, etc. etc. On aura l'occasion de revoir ça dans les mois et les semaines à venir sur TF1. Et c'est pas la seule chaîne, hein, puisqu'on pourra le voir aussi en Flandre, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark. Bref, c'est une série qui cartonne. On apprend aussi, c'est dans les pages du Télépro, sur le site internet du Télépro aujourd'hui, que la saison 2 est en pleine écriture en ce moment et donc on aura de nouvelles aventures aussi à suivre en Belgique très prochainement. Ils sont produits des choses en Wallonie, Cocorico, attendez, c'est jackpot ça, non? Pour oui, pouvoir contents. Être augmenté. Et produire de bonnes émissions, n'est-ce pas Jérôme? Oui, oui, parce qu'il est temps, nous faisons avec deux bouts de ficelle monsieur Tron, sachez-le. Tron, le directeur de la télé, est blanc, ça pique, c'est le cactus, évidemment, c'est signé Jérôme de Warzé. C'est un événement ce vendredi, la sortie en français du 8e tome d'Harry Potter. Harry Potter revient, qui a veillé toute la nuit, c'est

Oui, des barbecues et d'autres jeux macabres ou carrément sordides. Une des photos montre par exemple un crâne qu'un homme exhibe avec un grand sourire. Les faits se sont produits il y a plusieurs mois. Ils ont finalement été dénoncés par un collègue qui ne supportait plus ces comportements. Depuis, un ouvrier communal a été suspendu en attendant la suite de la procédure disciplinaire et trois autres sont concernés. Marc-Jean Geysels, le bourgmestre de Forêt, réagit ce matin. Il est évidemment très embarrassé par cette affaire. Ma première réaction, c'est de dire que c'est pas très agréable de faire la une sur un sujet pareil. Il y a à ce stade un membre du personnel qui est renvoyé devant le conseil communal. Quels sont les faits qui lui sont exactement reprochés ? Alors moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est un sujet quand même très sensible. Alors des faits graves quand même, ils auraient été commis par des ouvriers qui travaillent depuis longtemps en forêt. Alors la personne qui est poursuivie à ce stade, mais il y a trois autres personnes pour lesquelles le dossier est encore à l'instruction, je pense, travaille depuis plus de 20 ans. Alors Véronique, ces faits, elles se passaient dans un cimetière au grand jour et personne n'a rien vu ? Il faut savoir que le cimetière de Forêt se situe à Alsemberg, donc à peu près à 4 km du centre de la commune. Et cela expliquerait, selon le bourgmestre, que la surveillance était moindre que dans un cimetière plus urbain. Les explications de Véronique Fievet. Une femme maçon, un homme accoucheur, cela vous paraît étrange. Pourtant, aucune profession n'est réservée à l'un ou l'autre sexe. C'est le message que le gouvernement bruxellois et les patrons entendent rappeler lors d'une campagne. Des hommes et des femmes qui ont choisi un métier traditionnellement réservé à l'autre sexe visiteront des étudiants dans le secondaire. Objectif, les convaincre de dépasser les clichés, mais aussi orienter ces jeunes vers des métiers en pénurie, comme l'explique Yann de Brabanter de l'Union des entreprises de Bruxelles. Nous préférons parler de métiers d'avenir plutôt que de métiers en pénurie, mais il se fait effectivement que trop peu de candidats se proposent pour certains jobs, et par exemple les ingénieurs. Il faut absolument qu'un job d'ingénieur, surtout la formation d'ingénieur, est perçue pas comme masculin seulement. Idem pour les métiers en ICT. Il y a trop peu de filles qui choisissent ces options. Pourquoi ? Je crois que c'est une image de marque. Il y a beaucoup de préjugés également. Il faut dire également qu'il y a encore tout un travail pour les entreprises également. Il y a un certain profil et parfois il y a des infrastructures qui font que la population est surtout masculine. Interview signée Philippe Carlo. Et puis c'était un roi à la longévité presque inégalée après 70 ans de règne. Bhumibol, le souverain de Thaïlande, s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'homme était aussi un inventeur et que vous croisez peut-être l'une de ses œuvres tous les jours du côté de Wallu et Saint-Pierre. Karim Fadoul nous raconte cette histoire étonnante. 4 avril 2003, c'est l'agitation dans le parc des étangs Mellart le long du boulevard du Souverain. La reine Fabiola de Belgique attend une invitée de marque, la princesse de Thaïlande. Mahachakri Sirindom vient inaugurer un oxygénateur d'eau stagnante. La machine est une invention de son père, le roi Bhumibol, et un cadeau fait à Bruxelles. Alors pourquoi un tel cadeau ? Tout simplement parce qu'en 2000, le roi inscrit son invention au salon des inventeurs de Bruxelles. Il y remporte la médaille d'or, un premier prix qu'il prend comme une marque de reconnaissance venant de la capitale de l'Europe. Du coup, il décide de faire don de son bébé et de financer toute son installation dans les étangs Mellart. L'oxygénateur, c'est une invention capable de traiter près d'un mètre cube d'eau par heure et donc de lutter contre le botulisme. Et au début des années 2000, la maladie décime les poissons et les volatiles de nos étangs. Sauf qu'aujourd'hui, le botulisme fait moins de ravages puisqu'entre-temps, les eaux ont été profondément assainies. L'invention du roi est donc de moins en moins utilisée. Bruxelles Environnement, qui gère les étangs Mellart, admet aussi que l'entretien de la machine n'est pas évident. Désormais, l'oxygénateur sert plus de décoration qu'autre chose. Encore fallait-il connaître son étonnante histoire. En basket, les dirigeants du club du Brussels en D1 souhaitent mieux communiquer avec leurs supporters et faire grandir ce club aux moyens limités. Du coup, ils misent sur le branding, un marketing ciblé qui permet d'identifier rapidement une marque ou un club, notamment via un nouveau slogan, comme nous l'explique Pascal Chimet. Sportivement, le Brussels Basket a le vent en poupe. Une ascension cependant ralentie par un budget restreint et des infrastructures limitées. Alors, le club innove en lançant son slogan One Team Brussels. Serge Crèvecoeur, manager du club. C'est la marque de la famille pour regrouper encore plus les gens autour du projet de Bruxelles. On essaye de créer ce lien, de créer cette famille au travers les performances sportives, mais aussi au travers de tous ces produits pour le fan. Concrètement, chaque produit issu du merchandising est floqué. One Team Brussels, cela va des tasses aux écharpes, sans oublier les maillots. Le slogan doit définir le club et va à terme lui permettre de se développer. Thierry De Rieder, expert en marketing sportif. Si on a un slogan, si on a une image de marque, eh ben les gens vont s'y reconnaître. Et c'est important de justement d'avoir cette force, de pouvoir se positionner par rapport aux gens, que les gens se disent « Ah, le Brussels, c'est ça ». j'assume et j'adhère à ces valeurs-là, et ben je vais le suivre. Cette stratégie de développement va de pair avec une présence accrue sur les différents canaux de communication. Serge Crèvecoeur, manager du Brussels. On est le deuxième club belge de basket au niveau de likes de Facebook. On est premier sur Instagram. C'est vraiment au cœur de notre stratégie de communication et de développement. Et le Brussels se jouera ce soir en championnat. Ce sera contre Mons et Noé. Toutes nos félicitations à notre collègue Geoffroy Fabré et sa compagne Julie qui sont devenus hier les heureux parents d'une petite Alice. Tout le monde se porte bien selon les nouvelles. Enfin, l'invité de BX1 aujourd'hui sera le député MR Jean-Jacques Flau. Il répondra aux questions de Stéphanie Meyer vers 12h45. 8h36, belle journée. Le 8-9, avec vous Benjamin, ça c'est avec moi. C'est oui. Vous qui le dites, avec vous Benjamin. Mais donc c'est l'émission d'après, elle est là bon tous les jours. Figurez-vous qu'elle est là tous les jours. Bonjour Sylvie Honoré. D'abord nous commencerons par la collection photo. Des fossoyeurs de la commune de Forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Est-ce qu'on peut l'admettre? Vous le direz tout à l'heure. Le gagnant des 168 millions de l'euro million a 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. À vous, à quelle association, est-ce que vous avez besoin de lui? Vous le direz tout à l'heure. Et puis ce qui nous unit nous rend plus forts. Analysez l'attitude, l'intonation et le choix des mots de Charles Michel qui hier a appelé son propre gouvernement à s'unir. Le standard est ouvert, Zoé Boss. Et si vous avez une analyse pertinente sur les mots de Charles Michel, n'hésitez pas, le numéro est le 070-233-466 pour les SMS. C'est le 30-63-57, ce par message. Et comment ça roule à 8h37? On va demander à Serge, notre motard Europe Assistance. Rebonjour Serge, dites-nous tout. Rebonjour. Eh bien, rien ne va plus toujours sur la Nationale 275. Hein, pour ceux qui ont suivi depuis ce matin, tôt ce matin, un accident s'est produit entre la Hulpe et Groenendaal et la chaussée est encore toujours fermée. Il y a 3 véhicules impliqués, ils sont toujours là au milieu. Alors ce que fait la police, il s'est installé 200-300 mètres avant l'accident dans les deux sens et fait faire demi-tour aux gens. Donc ne vous engagez pas sur cette Nationale 275, vous allez de toute façon faire demi-tour. Alors j'ai parlé un petit peu avec eux, ça va durer longtemps. Hein, donc voilà. Alors je conseille tout à l'heure d'aller à Bruxelles par la E411, mais là aussi il y a un accident sur la E411. Merci Serge. À déconseiller. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800. Stressless invente le confort d'avoir le choix. Jusqu'au 6 novembre, Stressless vous offre moins 20% au choix sur la collection de fauteuils dans tous les coloris de cuir. Et le choix de nouvelles options de confort. Plus d'informations chez votre revendeur ou sur stressless.be. Il y a une grande différence entre un véhicule pour son job et le nouveau Volkswagen Amarok qui fait le job. Pour aider les amis à déménager, il fait le job. Pour tracter un voilier de 22 mètres, il fait le job. Pour transporter des poutres ou des casiers de bière, il fait le job. Venez essayer le nouvel Amarok et son moteur V6 chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Vivacité et la Une présente Amadeus, une intrigue palpitante qui raconte la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, une œuvre magistrale au succès éclatant. Au Théâtre des Galeries du 26 octobre au 20 novembre. 02 512 0407 ou trg.be avec le Vif l'Express et le soir. Merci à vous, grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 euros et vous pouvez continuer à verser sur le compte BO35, 8 x 0, 37, 37, bonsoir. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Le nouveau lave-linge d'AEG, équipé de la technologie Ecomix, mélange d'abord votre détergent et votre adoucissant avec de l'eau pour laver et protéger chaque fibre. Recevez maintenant un bon cadeau de 100 euros chez Ici Paris XL à l'achat d'un lave-linge AEG. Le vendredi, c'est le jour de la chanson avec vos mots, avec les mots d'auditeurs. Et c'est Patalène qui s'école ce vendredi avec sa guitare. Il a fallu placer vœux. Attiédissement, c'est proposé par Karine. Laura proposé majestueux. Ou encore jackpot d'Olivier. Le titre de la chanson, Pat, tout à l'heure. Ouais, vive l'euro-million. Vive l'euro-million. Oui, l'euro-million. L'euro-million, ce sera un peu entraînant. Un train comme ça. Oui. L'euro-million, oui. Bah, on va tous déprimer. C'est une ou... petite dringuelle. Voilà. Le tour de Wallonie avec Audrey, la petite nouvelle du 8-9. Oui, on va aller à la rencontre des artisans en Wallonie qui ouvrent leurs portes. C'est l'occasion de découvrir un peu leur univers. Week-end Wallonie, bienvenue. C'est ce week-end, on fera un tour de Wallonie donc tout à l'heure. Mais d'abord, là tout de suite à 8h40, ambiance. C'est l'événement ce 14 octobre, la sortie en français adaptée d'une pièce de théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit. On avait déjà une idée de suite hein, lors du 7e tome, dans le film comme dans le bouquin d'ailleurs. On voyait les deux dernières minutes Harry Potter avec ses enfants. Il en a trois à déposer ses enfants à l'école de magie. Et voilà la suite. Et pour nous en parler, on accueille la présidente de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet, justement Edwige. Bonjour, bienvenue dans le 8-9. Bonjour. On vous avait déjà fait le coup, évidemment. La chouette dans Harry Potter, vous êtes là pour nous parler de la saga Harry Potter. On va entrer dans l'histoire dans quelques secondes, mais d'abord, c'est étonnant. En fait, ce n'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. Et pourquoi avoir choisi une pièce de théâtre, justement, écrite par les collaborateurs de J.K. Rowling ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que J.K. Rowling continue à être habité par ce personnage et très régulièrement sollicité pour faire développer des comédies musicales, des pièces de théâtre, un certain nombre de choses. Donc, elle n'a jamais voulu donner suite. Jusqu'au jour où elle a rencontré la productrice Sona Friedman, qui lui a dit « Mais attendez, les romans sont les romans, nous n'y touchons pas, nous souhaitons faire une autre histoire avec vous, une 8e histoire d'Harry Potter. » Et comme effectivement, vous l'avez dit dans le dernier volume, elle a cette scène sur le quai 9¾, où on retrouve Harry Potter, Ginny et leurs trois enfants, c'est le point de départ de la pièce de théâtre. Et elle le dit elle-même, alors donc elle a apporté cette idée originale, elle a collaboré de manière très très étroite, avec Jack Thorne, qui est un dramaturge anglais bien connu, et John Tiffany, qui est un metteur en scène extrêmement renommé. Et puis, donc on démarre 19 ans plus tard avec Harry Potter, papa, trois enfants, on l'a dit, marié à la sœur de Ron, à Ginny. Il travaille au ministère de la magie, il a beaucoup de boulot, il est fatigué. Il a un problème aussi, un conflit avec son troisième fils, Albus. Albus, donc son plus jeune enfant, qui va pactiser un petit peu avec l'ennemi, avec la famille Malfoy. Là, donc, on est vraiment dans l'histoire. Et aussi, dans cette histoire, c'est vraiment une relation de querelle, en fait, un querellage entre le père et son fils. Oui, on retrouve beaucoup de thèmes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve dans cette pièce de théâtre et dans ce texte toute la magie d'Harry Potter, si vous voulez. Le thème de la famille, le thème de l'amitié, le thème de la transgression. Vraiment, nous sommes replongés dans ce monde. Et c'est une nouvelle histoire parce qu'à travers les enfants d'Harry Potter et leur fils de Drago Malfoy aussi, il y a une amitié qui se noue, qui est effectivement assez étonnante. Ce qui est très difficile, en fait, pour ces jeunes, pour ces enfants, c'est qu'ils ont le poids d'un héritage familial sur les épaules qui est très lourd, en fait. C'est vrai que vivre avec toute l'histoire d'Harry Potter qui est votre père, c'est difficile. Et, mais ils ont, c'est justement, je n'ai rien dévoilé, c'est tout ce qui se passe dans la pièce, de découvrir comment est-ce qu'ils le font, et en réalité, de montrer que la transgression permet de faire avancer. En fait, on retrouve cette notion d'histoire initiatique pour Harry Potter. Et Scorpius, hein, c'est le fils Malfoy, justement, et Albus, ils vont faire équipe et ils vont retourner dans le temps, justement, avec des retourneurs de temps. On voyage beaucoup dans le temps dans cette pièce, parce que ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais rien regretter, parce qu'en retournant dans le passé, ils vont changer le présent aussi, ces deux-là. Absolument. Mais je crois que ce qui est caractéristique, justement, d'Harry Potter, c'est totalement intemporel. Ça peut se passer dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Et c'est tout l'art de J.K. Rowling, justement, de nous emmener dans des histoires avec un imaginaire extrêmement étonnant. Et puis, c'est un monde de sorciers, il ne faut pas l'oublier. Mais elle transpose dans ce monde de sorciers la vie réelle. Et c'est ça son talent. Qui a envie de changer son passé ici autour de la table ? Audrey, ça vous dirait ça, de pouvoir comme ça retourner dans le temps ? Non, changer le passé, non, mais connaître le futur, ça oui. Ça serait sympa. Ça serait plutôt vers l'avenir. Et vous, Jérôme ? Harry Potter, je n'y crois pas. Les trois premiers, je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui... On a Edwige Pasquet au téléphone. Mais non, Edwige, c'est pas vrai. Bouchez vos oreilles. Mais justement, mais écoutez, connaître l'avenir, si tout le monde connaissait son avenir, ça serait plus très drôle. Je pense qu'il faut laisser une part d'inconnu. Et justement, c'est ce que démontre J.K. Rowling, c'est qu'on peut le changer son avenir. Son destin, il est entre nos mains. Notre destin est entre nos mains. Donc vous n'y croyez pas, Harry Potter, certes, mais vous croyez quand même que votre destin est entre vos mains. Bon Dieu, Jérôme, je suis bien trop fatigué à cette heure-ci que pour penser à mon destin. Ça peut vous dire. Harry Potter et l'enfant maudit, ça sort aujourd'hui en français, adapté d'une pièce de théâtre, on l'a dit, qui cartonne à Londres. Je pense que c'est booké jusqu'en 2017. Vous avez vu la pièce parce qu'il y a pas mal de lieux, de nouveaux personnages, etc. Ça a l'air compliqué sur scène, Edwige Pasquet. Non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que là aussi, une fois de plus, le talent de Rowling, le texte est extrêmement fluide. Ça se lit comme une histoire. Ce sont des dialogues. Que des dialogues, et tout l'art justement de Jack Thorne et de John Tiffany, et c'est ça qui est extraordinaire, elle a reconnu qu'elle était contente de travailler avec eux parce que elle-même n'avait pas la connaissance d'être dramaturge et d'écrire une pièce de théâtre, ou de mettre en scène. Donc c'est cet amalgame des trois qui en fait vraiment un petit chef-d'œuvre. Et elle va aimer aller au théâtre autant qu'elle donnera qu'elle a donné à aimer lire. Le texte sort en français aujourd'hui, le nouveau bouquin. Est-ce qu'on peut imaginer une adaptation en français justement sur scène, chez nous en France ou en Belgique? Ah ben on espère tous, et puis il y aura bien un tour de magie un jour, ça arrivera. Sans Jérôme, alors on... pas dans le rôle d'Harry Potter, hein. Papa des trois enfants, parce que vous n'y croyez pas, donc ça c'est trop tard. Dans Harry le rôle Plotter. De Voldemort, déjà, c'était boxé avoir trois enfants, moi je n'y crois même pas. Ce sera Harry Potter. Dernière question, on en a beaucoup parlé fin d'été, notamment suite à la pièce à Londres. Adaptation cinéma, vous y croyez? Vous, on parle de 2020? Ah, oh, écoutez, c'est difficile à dire. Hein. Je crois que J.K. Rowling insiste sur le fait que cette histoire est faite pour le théâtre. Donc, est-ce qu'elle arrivera à en donner une extension à Londres? Je ne sais pas. Mais en attendant, elle va arriver avec effectivement un film au mois de novembre. Ouais. Encore une autre histoire. Et voilà. Comme quoi, J.K. Rowling cartonne, évidemment. On a envie de son univers fantastique, féerique. Merci, Edwige Pasquier, directrice du Gallimard Jeunesse. Merci d'être passée par le 8-9 ce matin. Harry Potter et l'enfant maudit, ça sort aujourd'hui et c'est l'événement du jour. Autre événement, dans quelques secondes. Merci Edwige, pardon. C'est lui qui vous a coupé la parole, hein. C'est pas moi. Attiédissement. Autre événement, justement, placer quatre mots dans une chanson, il s'y colle, c'est juste après ça, il est 8h47, c'est Patalène qui s'y colle. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Chérie ? Oui ? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi ? Tu trouves que c'est trop ? Non, mais... enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin ? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stu et votre journal 7 dimanche. Tiens, hier, Mme Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Le 8-9. Fait le tour de la Wallonie dans quelques secondes avec Audrey, mais d'abord, c'est son moment. Le Pouetteur, la chanson signée Pat Allen avec sa guitare. Pat, quatre mots. On a vœux, attiédissement, majestueux, jackpot, et on parle de l'euro-million. C'est parti. C'est un petit Belge qui a décroché la timbale. L'euro-million, il va pouvoir... tout flamber, c'est un scandale pour 10 générations. Là, je suis très jaloux. Toutes les filles dans son pieu. Moi, j'ai touché que des clous. Même pas de quoi m'acheter un pneu. C'était pourtant mon vœu. Puis j'imagine les voyages qu'il pourra faire. Des trucs majestueux. Et toutes les femmes à qui subitement il va plaire. Oui, ça, c'est scandaleux. Moi je dois bosser tout le temps. Si pour lui c'est le jackpot, Ben pour moi, c'est les biscottes. Et du boudin compote. Ici, l'argent ne fait pas vraiment son bonheur. Qu'il m'enfile 1%. Les petites vacances sur une île et de la chaleur. Plutôt que la tiédissement. Ici c'est pas le sud. Ici il pleut tout le temps. Même l'euro million. Ça m'empêchera pas de faire le con. Et de chanter mes chansons. Sa merci. Reprise bien à lui de Nino Ferrer, le Sud. Je sais pas vous, mais ça m'a donné envie de réécouter la chanson tout à l'heure au bureau. N'hésitez pas, ça fait du bien. C'est pas facile de composer une chanson comme ça avec attiédissement. Vous l'avez bien dit. C'est son métier. Là, c'est un métier. C'est un métier. Mais mettre attiédissement dans une chanson, oui. C'est pas un métier. C'est une, une chienlit, c'est une chiure. Merci. À revoir. Donc la chiure sur le site vivacité.be ou sur la page Facebook du 8-9. Une pause, 8h52. Le tour de Wallonie avec le week-end. Wallonie, bienvenue, et la Quig, la question d'intérêt général, tout ça, c'est après ça. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Pendant les Audi Days, tout est époustouflant. Les conditions sur l'Audi Q5 sont époustouflantes. Sa puissance tranquille et son confort sont époustouflants. Époustouflant aussi la technologie IEA. Irrésistible envie d'aventure. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q5 super équipé à partir de 37 500 € et 50% de remise sur la transmission Quattro. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Jusqu'à 9h. Le 8-9. Il n'y a pas de couillet qui est là au 363. Simplement féliciter. Je voudrais féliciter cet heureux gagnant et content d'apprendre qu'il sacrifie une partie de sa fortune aux personnes en difficulté. Un très beau geste, on en parle évidemment. Hein, de moi je suis en difficulté. Hein. Merci de lui avoir rendu hommage. On a un peu des difficultés ouais. Pour le moment. Donc merci, ami de Bruxelles. Lui aussi est en difficulté. C'est Jérôme de Warzy pour la Quig, la question d'intérêt général. Oui, Harrison Ford s'est blessé sur le tournage du dernier Star Wars. La production est copain de la Mande Salée. Comment renommeriez-vous cet épisode ? Loulou Godet propose Les Aventuriers de la Marche Ratée. Béatrice Garlito Diego, Escar Wars. Oh, Jean-Michel Biltresse, L'Emplâtre contre-attaque. Voilà, il y en a encore des dizaines. La cuite du jour dans le livre Un président ne devrait pas dire ça. François Hollande tacle sévèrement les footballeurs. Mais que n'a-t-il pas osé dire à ces mêmes footballeurs ? À vous de réagir sur la page Facebook du 8-9. Correction ce lundi avec Benjamin. Audrey Lalle remplace Aravis. On lui souhaite plein de bonheur évidemment parce que c'est pour très très bientôt pour Aravis et son petit bout. Audrey, Wallonie, week-end bien. bienvenue, c'est ce week-end, c'est ce samedi et ce dimanche. Oui, vous allez pouvoir aller à la rencontre des artisans ce week-end en Wallonie. Alors, dans un premier temps, direction Dizon et Verviers, dans la région de Liège, vous allez pouvoir aller à la rencontre d'un fabricant de marionnettes de Liège. Alors, c'est très connu dans la région, vous les avez peut-être déjà vus dans les rues de Liège ou lors d'un spectacle. Et alors, en fait, vous allez faire connaissance avec Jean qui va justement vous ouvrir les coulisses de la fabrication des marionnettes. Comment on fait ça? C'est pour devenir ventriloque ou non? Non, non, juste vraiment la fabrication de la marionnette en elle-même. Marionnette et ventriloque, c'est pas la même chose. C'est ça. Non, mais souvent, c'est une marionnette qui parle. Ce sont des marionnettes liégeoises avec une tige. Avec la ficelle, alors. Disons qu'il y en a pas de ficelle. Un où il faut mettre le bras et l'autre, c'est des ficelles. Si je dois le dire, voilà, comme ça. Marionnette liégeoise, normalement, c'est avec une tige. Et ce sont des marionnettes en bois. Et donc, justement, chaque marionnette a son histoire et Jean va vous expliquer tout ça. Vous pourrez aussi aller à la rencontre de Michel Dubois. C'est un des rares sculpteurs de bois encore en Wallonie. Alors, lui, il fait plein de choses. Il fait des portes, des escaliers, mais aussi des choses beaucoup plus originales. C'est pas Michel Laporte, alors. Non, pas Michel Laporte. Michel Dubois. Ou Michel Dubois qui fait du bois. Non, mais il est très sympa et il va se faire un plaisir de partager sa passion avec vous. Michel Fenêtre. Voilà, on est parti. Bonjour Michel Chassis. Alors, votre particularité. Jean-Marie l'escalier. On a parlé de Michel Marionnette qui fait des marionnettes. Une petite blague sur une randonnée cyclo, peut-être, non? Non, il est mouché. Non, mais si vous êtes plus sportif, dans la région, vous allez pouvoir aussi faire une randonnée à cyclo, plus ou moins 20 km, où vous allez découvrir toute la région. Il y a un autre endroit aussi à visiter ce week-end, c'est Astières, dans la région de Namur. Là, vous allez partir à la rencontre de Gérard, qui a une corderie artisanale. Alors, on a un peu oublié le métier, mais heureusement, Gérard, il veille au grain. Il va vous expliquer ce que c'est une corderie. On fabrique des cordes. On fabrique des cordes artisanales. Pas des cordes qu'on peut retrouver dans les supermarchés, va justement vous apprendre à faire la différence entre les différentes cordes. Il va venir avec ses petits outils et vous expliquer tout ça. Vous pourrez faire aussi un petit coucou à Vanessa qui, elle, en fait, est une passionnée de dinanderie. En fait, c'est des ustensiles de cuivre. Elle adore visiter Dinan. Écoutez, Sarah, il y a un moment... Il faut que ça cesse. Voilà. Alexandre va nous montrer son nœud, j'adore. Enfin, non, j'ai rien dit, moi. C'est des ustensiles de cuivre, en fait, qui à la base sont fabriqués normalement à Dinan, c'est vrai. Mais elle a réalisé son petit rêve, elle a installé son atelier dans son village de naissance. Et donc voilà, elle vous ouvre ses portes pour découvrir justement un autre endroit passion. Encore, Audrey ? Oui, on termine avec Colfontaine. Ça, c'est dans le Hainaut. Alors, si vous ne connaissez pas bien le peintre Vincent Van Gogh, ça sera l'occasion. En fait, vous allez suivre son parcours et donc ses œuvres. Et alors, tout au long de la promenade, vous allez aller aussi sur des lieux où lui-même est allé, par exemple. J'entends pas bien. La maison de Van Gogh. Oh, vous allez faire des vannes, en fait, sur tout ce que je dis. C'est vendredi. Alors, c'est vendredi. Et encore là, on a quand même... C'est vendredi, c'est jour spaghetti. Ah bah c'est bien, je m'adapte. Alors, on termine. Après Sarah tout est ça... devenue enceinte à cause de ça. Bon, on termine avec un petit coup à boire, quand même. Pas de l'alcool, attention. Mais du jus de pomme, si vous avez un pommier à la maison. Vous pouvez venir avec vos pommes et les presser sur place au parc naturel des Hauts-Pays. Donc ça, c'est assez sympa à faire. Et ça a beaucoup de succès. Donc n'hésitez pas à réserver à l'avance. Il y a un site internet pour ça, www.wallonie-bienvenue.com. Wallonie-bienvenue.com. Vous cherchez pas quelqu'un pour le grand cactus? Comment? Ah, moi je cherche plein de gens, moi. C'est vous qui le dites avec Benjamin. C'est juste après la pause. Bon week-end tout le monde. Bonne journée. Bon week-end. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du film. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Hé, hey, Bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Ah, excusez-moi Denis, parce que j'ai pas encore boutonné ma chemise jusqu'au-dessus. Je m'habille seulement, mais je vous écoute en même temps. Mais écoutez, bien, vous faites bien de boutonner parce que les températures certes remontent légèrement, mais pas assez vite à notre goût. On a aujourd'hui encore pas mal de nuages sur trois quarts sud du pays. Il y a quelques éclaircies plutôt sur l'ouest. La tendance aujourd'hui, ça va être un ciel quand même assez plombé, 10 à 15 degrés. On aura de la pluie, tiens, dans la nuit de vendredi à samedi, donc la nuit prochaine. Et cette pluie nous quittera demain matin, laissera la place passe ensuite à quelques éclaircies. 15 à 18 degrés, ah, ça devient déjà beaucoup mieux au niveau des températures. Mais c'est dimanche que l'on va vraiment profiter d'une très très belle journée derrière saison avec des températures qui iront entre 14 et 19, voire même localement 20 degrés. Dans 8 minutes, c'est vous qui le dites, mais dans l'immédiat, Viva 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La Wallonie fait de la résistance face au CETA. Ouais, sauf surprise, les députés wallons vont voter d'ici quelques heures contre ce traité de libre-échange.